À la belle dame. Font ses sourires, ce visage de joie, si ce n'est à la belle dame. En qui ce parfum, font ses couleurs, si ce n'est la belle dame. Elle pourrait s'envoler, surtout ne rien cacher à qui. À la belle dame, à la belle dame. Si elle se découvre, prend ses rayons. À la belle dame. C'est le monde tout entier qui se dévoue. Un symbole, une offrande avouée à qui? À la belle dame, à la belle dame, à la belle dame. Je regarde de haut, je lui tourne le dos. À la belle dame. Je me méfie de la joie, je lui rends son parfum à la belle dame. Que mon âme a tout diable, tant qu'à faire mon cœur n'est pas à la belle dame, à la belle dame. Ses sourires, son visage de joie, si ce n'est.